sa mess, sa tout petit. Johnny Cam, s'il dit non, on perd leur bien dans le coin. Sans visa, bouger en classe première, tracer le visage collé au hublot. Quitter ces paysages de merde, mettre le turbo loin de ces villes grises. Fais passer le message de Rabot, m'endormir, mais quand il grise, le peuple, c'est mauvais présage. Les barrières tombent, les cris, on a l'avantage du nombre. J'écris, je protège mes arrières. Une ombre plane sur l'instru, sans panne, je me livre mon scud incru. 2005, c'est ça être libre, avancer même le chargeur vide. C'est quand le cœur guide les actions, être libre, c'est résister, brailler. Parce qu'on n'existe pas pour exister, c'est faire ce qu'on est. Être fier, jeune et con, on est peut-être pas frère, mais tous prisonniers. Sûrement, c'est ça être libre. Voir son destin au bout d'un couloir et pas s'arrêter la rage dans les intestins. S'apprêter au pire, ouvrir l'œil au jour le jour, fêter en attendant le deuil. C'est couvrir d'un linceul, c'est crainte, courir ma clique, un paquet de soldats avançant comme un seul. C'est mourir un peu dès qu'un des nôtres chute, nourrir à feu même sous les insultes. C'est croire ou ne pas croire, emporte le foulard ou la croix, au risque de choquer France. Revendique cicatrices et différences hors de la matrice. Je trouve tellement la rue qu'elle en vit, c'est ça être libre. Parler, tu vends ton âme ou t'élèves la voix. Je fais chialer ma plume à la fois claire et obscure. Je suis paré, je m'assume moi, je suis le premier à qui je dois plaire. Être libre, c'est boumer, même quand faut payer le tarot. Essayer de garder le moral, même derrière des barreaux. Connaître le passé et au présent, renaître, c'est des bifs qui font courir les gens. Où est l'esclave, où est le maître? Un spliff, un bon son à mettre dans le poste. L'esquimato, l'esquive le réel. J'ai bien plan plume et le marteau. Inonde les ruelles, les ondes, les crimes. Devenir l'inverse de ce qu'exige le monde, c'est ça être libre. Suivre. J'ai attendu la pleine, le gardien était libre. Mon sol Cilino avait prévu de vivre. Quand t'es fugitif, il t'en faut pour survivre. Alors dans nos bagages, il n'y a qu'un seul livre. La bonne parole ne pèse que quelques livres. Mais si t'y crois vraiment, tu sais qu'elle te fait vivre. Un bouclier, une armure dans le combat qui se livre. Tout le monde peut vivre, tout le monde peut vivre libre. C'est nécessaire à mon équilibre. Tout le monde peut vivre, tout le monde peut vivre libre. Quand c'est positif, c'est sur mon clip. Ça en vaut la peine.